Bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Une émission bien particulière puisque nous avons des invités, en l'occurrence deux membres éminents d'Enéad. J'ai en face de moi Georges Marc. Bonsoir Georges. Bonsoir Thierry. Tu rappelles ce que tu fais dans Enéad? Eh bien, je compose, je fais de la guitare synthé et je suis présent dans Enéad depuis au moins 15 ans. Attends. Et tu prépares le cassoulet aussi? Je prépare le cassoulet, je coupe les citrons et je ferme la lumière après avoir passé le balai. C'est bien pour le bilan carbone. Et à côté de lui, donc, c'est Fred, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Alors Fred, qu'est-ce que tu fais dans Enéad à part passer l'aspirateur? Moi, je suis batteur depuis les origines du groupe avec Georges Marc. On est un peu les fondateurs d'Enéad. Les deux compères. Voilà. Et enfin, le troisième compère, c'est un fidèle des fidèles. Il est toujours à la technique ce soir. Il est venu également nous assister, Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Tu rappelles tes fonctions notamment dans Acid Dragon? Acid Dragon, je suis chroniqueur et puis accessoirement j'enregistre toutes les émissions. Et photographe. Pour les mettre sur le podcast. Hein. Et photographe également. Et puis quelques photos aussi de temps en temps. Voilà. Je vous propose, on va continuer tout doucement sur le programme de cette émission d'octobre. Et oui, on n'est pas vraiment en avance, mais mieux tard que jamais. Avec donc, on continue avec une petite nouveauté de Lituanie qui est tombée dans ma boîte aux lettres cette semaine. J'ai mis ça un petit peu au hasard et ça a été une grande claque. The Skies, Colors of the Desert, c'est le titre de leur album. Tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock. Progressif, bien sûr. Aïe, aïe, aïe, ça déménage. Petit résumé des chapitres précédents. Steve Wilson, double album Grace for Drowning, superbe double album. En plus, un nice price. Que du Crimson ou presque, on voit que le bougre a travaillé sur les remasterisations de Robert Fripp et c'est un pur régal, ça se trouve, ça se ressent, ça se retrouve sur ses compositions de cet album de Steve Wilson. Ensuite, un petit groupe folk prog bien sympathique américain, The Wild Old Souls, avec un titre, il s'intitule Ensoulment. Voilà, une reprise de I Talk to the Wind de King Crimson. Vous allez voir ce soir, on va entendre pas mal de choses assez proches de King Crimson, devinez pourquoi. Ensuite, eh bien, le groupe que je vous annonçais de Skies, S-K-Y-S, Colors of the Desert, je ne sais pas si vous appréciez, moi je suis tombé littéralement à la renverse, un groupe de Lituanie et donc ça vient tout juste de sortir. On continue avant de laisser la parole à nos amis d'Eniat qui sont, je le rappelle, nos invités très spéciaux avec Airbag. J'en avais entendu beaucoup parler et puis je l'ai écouté hier soir et ce matin dans la voiture et pareil, grand flash. Quand je pense qu'un de mes copains me disait « Mais purée, il n'y a pas grand-chose à écouter en ce moment en matière de progressive », eh ben, il n'y a plus qu'à écouter prog à part. Et vous allez vous régaler, en tout cas, c'était mon cas. Airbag, groupe donc norvégien, deuxième album, All Rights Removed. Et si vous trouvez que ça ressemble étrangement à du Pink Floyd, c'est normal. Funny how my life just falls apart. I slept through days and nights like a perfect prince. Then it came crashing through the walls of lies and silence in my head. It's time to go before we came. And I know that we can't stay the same. door. Begging for just a bit more. And Julia, I couldn't do much better than you. Said so yourself. day to late, spend the night lost in a bed. Angeline dreams about someone out on the coast. De la vieille ont reconnu Pavlov's Dog et Will sont de retour, incroyable mais vrai, le chanteur à la voix éraillée est de retour après un premier album qui avait fait sensation en 1976, qui s'intitulait Pampered Menial. Les voici de retour avec Echo and Boo, et ce groupe américain frappe encore très très fort. Il y a même un album live prévu, Pavlov's Dog, et avant les Floydiens d'Airbag. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker! Sol, 100.7. Eh bien oui, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons dans le studio donc les camarades de Dénéad. Et oui, toujours là. Toujours là. Eh bien, on va commencer la série des questions. Ah. Histoire de mieux faire connaissance. Alors, Enéad, c'est qui, quand et où? Qui a créé, quand et où? Alors, Enéad, c'est issu des... d'un groupe qui s'appelait Varek à l'époque, en 80, entre 90 et 95, par là, 94. Ouais, c'est vague. Je sais pas, Fred, via ma rescousse, à peu près, Varek 94-95, et puis l'envie d'un nouveau son, découverte d'un certain nombre de, d'autres choses. Pour nous, hein, effectivement, vous allez dire, découvrir Crimson en 95... ça a été la révélation qui a fait qu'on est allé vers ce style de musique progressif, même si moi j'écoutais pas mal de goût de prog avec Marillion et Genesis dans les, quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, ça a été le double trio Crimson qui a mis la claque à tout le monde dans le groupe et qui a eu, donné cette volonté de faire une musique un peu plus sophistiquée que du bon métal de base. Voilà. Donc déjà, tu réponds à une deuxième question qui est quelles sont les influences? Donc bon, déjà... je vois que tu as abordé cet aspect, donc tu nous cites King Crimson. Quelle période de King Crimson? Eh bien, la période plutôt, effectivement, deuxième période 95 à 2003, hein, puisque le dernier album date de 2003, parce que c'est surtout ce côté qui est intéressant, ce mélange des guitares, plus, même si effectivement on aime la période de 69 à 74, et puis la période 80 également, mais... c'est plutôt la deuxième période qui se transparaît dans notre musique, la troisième période pardon, troisième. Qui se transparaît dans notre musique. Et puis bien évidemment la deuxième influence est Genesis avec les bonnes mélodies, voilà, que mène Genesis. Donc là on a su à peu près quand, on a su le nom, qui était, tu m'as dit, donc vous deux, c'est ça, vous étiez à la création de... Bah écoute, il y avait Rimnes qui a quitté le groupe récemment, il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans déjà, qui a quitté le groupe pour des raisons personnelles, puisqu'il habite à Montpellier, donc c'est un peu compliqué pour répéter. Ouais, j'imagine. Mais oui, à l'origine, c'est effectivement Fred, Rimnes et moi. Et sur Lyon alors, vous étiez, c'était déjà sur Lyon ce... Ah oui, ça a toujours été sur Lyon, on est lyonnais pure souche depuis, fou, 40 ans pour moi. Ah Dieu. Voilà. Voilà pour création. Pour ce qui est donc de la production discographique, deux albums, oui. Puisqu'on vient d'écouter le deuxième déjà. Alors, quelques mots sur le premier, donc sorti chez Musea. Vous me rappelez la date de Remembrance? 2005, me semble-t-il. Voilà, il a été distribué par Musea. On était assez fiers parce que c'était notre premier album. Sur un beau label que moi personnellement j'aimais bien, donc ça m'a fait très plaisir que l'album soit distribué sur Musea. Et le deuxième album qui vient de sortir, qui est sorti officiellement le 17 octobre, et a été signé sur le label suisse Galileo. C'est un excellent label aussi, et on a eu la chance en plus de rencontrer le dirigeant de ce label qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir nous voir en plus répéter alors qu'il était en vacances à ce moment-là sur la région lyonnaise. Patrick Becker. Donc, exactement. Voilà, ça a été très, très sympa pour nous. J'espère agréable pour lui aussi. Enfin, j'en suis même sûr. Et donc, l'album est sorti sur ce label-là et on est très fiers. Très, très fiers. Alors, le premier, il a bien marché, je pense. Hein. Non? Oh, on a vendu 2 millions d'albums, je crois. Ouais, ah bah 3, ouais. Bah alors, 000, il me plus, semble, plus que Silver Lining, ça y est, il l'a placé. Voilà. Mais oui, je ne sais pas exactement. Bon, alors, l'album bien marché, c'est peut-être pas un... En termes de progressif, hein, j'entends. Hein. En termes de progressif... Non, il a été reconnu, on va dire, ouais, par ouais. ses pairs. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Il n'a pas trouvé son public. Hein, il a... Évidemment, il faut le voir chez soi. Non, cet album, bien sûr, est un album qui fait 70 minutes, composé de 5 pièces. Et c'est un donc c'est des morceaux assez longs quoi, 20 minutes, 15 minutes, 12 minutes. Bon, c'est du progressif quoi. C'est du prog quoi, c'est du prog assez péchu, assez métal. Ouais. Et il y a eu un bon accueil de cet album en 2005 par l'ensemble puisque Muser avait envoyé à plusieurs critiques ce qui était intéressant. Bon bah le deuxième album vient de sortir. Pour l'instant, on a eu les retours élogieux de notre ami Jean-Louis qui est avec nous, qui n'est plus à se convaincre puisqu'il a été convaincu dès la naissance par Enéad évidemment. Il est tombé petit. Il est tombé petit dans la marmite. Si j'ai bonne mémoire, Enéad, il y avait eu des critiques, des chroniques dans la presse métal. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, oui. Ouais. On avait effectivement été chroniqué dans Rockard. Rockard, oui. Par notre cher ami Stéphane Ozillo, que je connais bien, oui. Que nous connaissons, oui, que nous connaissons puisqu'il est d'ici. Et on avait été assez bien noté, effectivement. On avait eu 7,5 sur 10, je crois, sur la chronique, comme quoi cet album était surprenant, était intéressant. Alors, c'est l'ancien album, mais il est quand même toujours disponible, faut pas hésiter. Et intéressant, on peut l'entendre sur notre site internet, hein, c'est c'est eneade.free.fr. Il y a pas de W qui tienne. Eneade.free.fr. On y va et on peut, de toute façon, il suffit de taper Eneade dans un moteur de recherche et vous trouvez immédiatement notre musique partout, voilà. Et même ailleurs. Pourquoi ce nom Eneade d'ailleurs? Alors, ça me revient un petit peu, c'est ce que j'expliquais à Jean-Louis tout à l'heure, c'est que j'écoutais beaucoup de prog distribués par Muséa, et j'avais le catalogue de Muséa que je parcourais des heures durant. Et la compile, c'est ça. Et en fait, je cherchais un nom pour le groupe, et je suis tombé sur une compilation Muséa de groupes influencés par Magma. Ouais, tout à fait. C'était donc, il y avait 9 morceaux, donc une énéade de morceaux, en fait, puisqu'une énéade, c'est un groupement de 9 choses. Et ce nom m'a bien plu, j'en avais beaucoup d'autres en fait, mais Enéad est le nom qui restait, qui nous a intéressé le plus. Pourquoi choisir un nom français, je sais pas. Simplement, et du coup, deux N hein, pour se différencier par rapport à l'album de chez Muséa. Si j'ai bonne mémoire, il n'y en avait qu'un seul. Hein, non, c'est en fait Enéad parce que justement, il choquait, les gens se disaient Eneade, ça veut dire quoi et ouais. Il y avait déjà cette démarche de dire ah tiens, ça surprend les gens de dire tiens, Eneade, c'est un titre qu'on n'aurait pas pensé à mettre. On aime bien faire des choses que les gens n'aiment pas penser, justement pour leur faire prendre un peu. Alors il se trouve que c'est Alain Juliac qui avait fait cette compilation, Alain Juliac, que nous saluons bien sûr, qui est une éminence grise dans le milieu. Voilà. Alors, quelques mots maintenant. On a écouté avec plaisir un morceau de ce Teardrops in Morning Dew. Quelques mots sur cet album. Alors, j'ai vu que vous avez mis les moyens. Ça a été enregistré par notamment un grand monsieur ingénieur du son. Hein, j'ai vu ça. Monsieur Neil Conti, ouais. qui a travaillé. Racontez un peu, là. Pardon ? Racontez un petit peu. Ah, écoute, alors ça, c'est vrai que bon, ça, l'enregistrement a été initié il y a déjà quelques années de cela, et on l'a à Montpellier. On a, comme Rines habite Montpellier, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Neil Conti, qui est un batteur qui a connu son heure de gloire dans les années 80, 90 également. Il a joué avec Deep Forest, avec Annie Lennox, Mick Jagger. Enfin, c'est quelqu'un qui a joué avec des grandes pointures. Et qui est assez intéressant parce que bon, il tourne pas autour du pot 5 ans et puis ben il a tendance un petit peu à te booster quoi. Et on a enregistré basse batterie avec cet homme là et son assistant qui s'appelait Jeff Fernandez, qui sont donc les deux personnes qui nous ont enregistré basse batterie. Le reste ayant été enregistré par Rines dans la maison de Christian tout simplement, un peu à la maison on va dire. Et par contre, le mixage a été fait au Warm Audio, avec donc une capacité intéressante. Ils ont mis une bonne quinzaine de jours à mixer tout ça, parce que c'est pas évident, et beaucoup de pistes, beaucoup d'effets, de choses un petit peu compliquées à mettre en place. Et on a masterisé ça aux subsistances avec, j'ai oublié son nom, rappelle-moi, Choco, voilà, Franck Rivoire, qui a masterisé. L'album. Donc effectivement, on a essayé de mettre quelques moyens pour que ça brille, que ça sonne, qu'il y ait de la puissance, des basses, des aigus, et ça pousse. Donc, et au total, combien de temps entre le début et la sortie là? Alors on a initié l'enregistrement en 2006 et il sort maintenant. C'est pour dire que ça. Ciel, dit-il. Pardon. Ciel, dit-il. Oui, effectivement, oui, mais on a subi quelques soubresauts. Rinesse a quitté le groupe. On a eu un problème de mix au démarrage, ce qui fait que ben il a fallu remixer l'album complet. Le mix, quand on a présenté notre mix au master, il nous a dit mais ça c'est même pas envisageable de masteriser ça. C'est un deuxième album, c'est pas une maquette. Je peux te garantir que ça calme quand on dit ça. Ouais. Donc on est reparti avec nos bandes et on a remis le travail sur le métier. Ça a pris beaucoup de temps, ça a créé aussi sans doute quelques tensions d'attente dans le groupe, ce qui fait que Julien, également notre bassiste tikiste, nous a quittés. Ah oui. Car il avait envie de jouer. Et ben, quand on est aussi en attente d'une chose, il faut y consacrer du temps. Et on a un peu pédalé dans la spoule. Ouais, je vous avais reçu à Prog à part il y a un certain nombre d'années pour la sortie du premier album. Exact. Et il était venu avec son stick tout neuf, tout flamboyant, je me souviens encore. Exact. Ben, rassurez-vous, hein, il joue toujours du stick, il joue même très bien, on se revoit régulièrement, on initie des choses ensemble d'ailleurs actuellement, voir si on pourrait pas s'orienter vers un collectif avec Enead, on se pose des questions là-dessus, mais voilà. En tout cas, cet album est sans doute plus péchu que le premier, je dirais, dans le sens plus sombre. D'ailleurs, la pochette l'indique par elle-même. C'est un album qui est plus sombre, avec encore une pièce d'une vingtaine de minutes, s'appelle Tea Drops in Morning Dew, avec un jeu de mots, comme chacun verra. C'est qui évoque bien sûr le deuil, toutes les phases du deuil, depuis la perte de l'être cher jusqu'à l'acceptation définitive et durable de la perte. C'est bien parce que c'est une question que j'allais te poser parce qu'effectivement au niveau des paroles et de l'atmosphère et du message si on peut parler de message voilà de l'idée qui est irriguée hein, par cette musique, c'est toujours très sombre hein, oui, curieusement on n'a pas forcément fait exprès, enfin je sais pas ce qu'en pense Fred, mais on n'a pas forcément fait exprès, mais il en ressort, la pochette est venue naturellement noire avec cette vue vers le bleu, vers la délivrance, si on peut exprimer ça comme ça. Encore une fois, je pense que c'est issu de nos personnalités un petit peu torturées, un peu malmenées par la vie qui nous entoure. Je pense qu'on n'est pas tout seul dans ce cas en ce moment, hein. Non. Mais ben on le traduit dans notre musique. Moi je le ressens comme ça et c'est venu naturellement. Les morceaux ont été sombres naturellement, la pochette a été sombre naturellement et c'est qu'après avoir sorti la chose qu'on s'est dit tiens, c'est curieux, la pochette reflète la musique alors qu'on l'avait pas du tout prédestiné, et en disant attends, il faut absolument qu'on fasse une pochette qui reflète la musique. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, tout à fait, ouais. Non, tout à fait. En quelques mots, you're back in black. Quelque part. Quelque sorte. Quelques mots sur ce morceau numéro 5 de Message, c'est ça, si non, je dis pas de bêtises. Elements. The Elements. Alors, quelques mots de présentation sur ce numéro 5. Alors, c'est un morceau qu'on affectionne tous particulièrement parce que c'est un morceau qui, à la fois, est un peu compliqué, mais assez simple à jouer et assez fluide, bien construit. Il nous semble être le morceau qui détend, on va dire, même s'il est un petit peu sombre quelque part dans certains passages, mais il quand on le joue, on kiffe bien. Voilà. Donc, il est agréable à jouer. Agréable à jouer. On se pose pas bien de questions, donc ça nous change un peu. Eh bien, on est parti pour 15 minutes de détente. Merci. Tout de suite avec Enead. Yeah. un deuxième morceau donc de nos amis d'Enéade. On parlait en off, comme on dit, de leur expérience avec Dream Theater. Alors je voudrais bien qu'ils nous expliquent un petit peu, puisqu'ils ont eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de jouer en troisième, juste après eux, hein, donc en poste. After show. Alors, allez-y. Alors en fait, en 1998, Dream Theater fait une tournée pour l'album Falling into Infinity. Le groupe passe au Transborder avec Vanden Plas en première partie. Et Roger Vessier, qui s'occupait du club hard rock à l'époque, connaissait bien Rinès, notre ancien guitariste, et lui dit tout simplement, eh bien, pour l'after show de Dream Theater, on cherche un groupe et on a pensé à vous, Enéade. Donc forcément, notre sang n'a fait qu'un tour, et c'est une proposition qu'on ne pouvait pas refuser, forcément. Déjà, la chance de jouer au Transborder. Oui. Alors à l'époque, c'était au Trans Club. C'était Trans Club à l'époque. La partie bar du Transborder, ouais. Pas dans la grande salle. Mais quand même, et puis surtout en after show de Dream Theater que j'appréciais, hein, je l'aimais bien, l'imparfait, particulièrement. Donc en fait, on a forcément accepté cette invitation. On a passé un très très bon moment, même si on était énormément stressé. On a eu des petits problèmes de matériel, de sonorisation. On a été même obligé de payer pour jouer parce qu'on n'avait pas forcément le choix, mais on avait tellement envie de jouer pour ce concert-là. On aurait tout accepté. Et on n'a pas tout accepté, mais on a pu quand même jouer. Vous avez joué combien de temps de Eh bien, en fait, on n'avait pas forcément de temps. Au moins une heure. On a joué carrément. Au moins une heure. Oui, oui. Et alors, le problème des afters, c'est que les gens s'en vont et ne restent pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, c'est tout le problème, c'est que les gens restent ou ne restent pas. On a eu quand même du public qui restait pour nous. Une bonne partie, je dirais pas l'ensemble des spectateurs de Dream Theater, mais on a eu quand même du public qui restait nous voir, qui a visiblement apprécié ce qu'on leur a proposé. J'ai le souvenir quand même d'une salle relativement bien remplie, ouais. Dans des conditions qui n'étaient pas évidentes pour nous, donc c'était doublement agréable. C'est une pratique qui est tombée en désuétude, mais c'est dommage parce que c'est un tremplin, quoi. Ça, c'est vrai. Puis bon, c'est vrai que quand t'as John Mihun qui te regarde jouer, si tu veux, tu te mets à te mélanger les pinglots. Alors justement, vous avez eu contact avec, tu me disais, avec les musiciens de Dream Theater, vous avez un petit peu discuté et tout? Alors on a discuté, finalement, c'est surtout notre chanteur qui est très, très à l'aise avec la langue anglaise, puisqu'il est né en Angleterre. Donc il a beaucoup discuté avec le batteur, qui était visiblement quelqu'un de très accessible et très proche de ses fans. Et c'est après ce que j'ai lu dans la presse ou sur Internet, c'est quelqu'un qui est très proche de ses fans. Donc on a pu rencontrer le guitariste dans les loges du Transborder, qui a été très très sympa, puisqu'il a signé des autographes. On a très peu parlé avec lui, mais c'est surtout avec le batteur qu'il y a eu des échanges qui se sont faits. Mais bon, c'est vrai, on en parlait aussi tout à l'heure pendant que le morceau d'Enéade jouait, c'est la barrière de la langue qui a été quand même un frein pour nous. Le stress de rencontrer des sommités du métal progressif. Eh oui, bien sûr. 98, attention, c'était quand même. C'était le groupe, ouais, c'est vrai. Et puis de pouvoir parler facilement avec eux dans une langue qu'on maîtrise plus ou moins. Donc ça a été quand même extrêmement difficile, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était face à des gens. Et vous avez joué quoi alors? C'était des morceaux de Remembrance ou c'est carrément autre chose? Qu'est-ce qui est devenu ce répertoire des On a joué King of Silver. Ah oui, King of Silver, je crois. On avait d'autres morceaux plus anciens qu'on joue plus. Plus anciens qu'on joue plus, ouais. Et puis on avait fait une reprise de Genesis, on avait fait Mama de Genesis. Mama de Genesis. Ah, fallait oser, hein. On avait on avait programmé la batterie, on avait fait les sons un peu. Si, c'était assez bien passé, j'ai encore les bandes. Oui, mais c'est vrai que c'est un joli morceau, hein. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, il y a beaucoup d'émotions et c'est ce qui nous plaisait. On avait fait Jacob's Ladder de Rush aussi. Mm-hmm. Voilà, on avait joué ça. Et alors, les retombées, ça vous a donné un bon coup de pouce ou pas tant que ça? Je serais bien incapable de te le dire. Je pense qu'effectivement, les gens ont mis un visage sur ce groupe, qui n'était pas spécialement. Non, mais bon, c'est souvent que les gens nous disent ah oui, mais ça me parle. Je vous ai vu, je vous ai déjà vu dans un concert. Ils savent plus bien où, mais. Ce qui est dommage, c'est que le premier album est sorti bien après, quoi. Donc, il n'a pas pu surfer sur cette vague, quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait été l'idéal. Ça aurait été l'idéal, mais bon, après, on a eu quelques déboires pour l'enregistrement. Comme d'habitude. Comme d'habitude, tu me diras. Après, il a fallu trouver un label. Bon, ça, ça a été relativement rapide, mais on a surtout, on a voulu bien soigner la réalisation. Rines, qui a enregistré cet album de A à Z, mixé de A à Z cet album, il avait apporté un soin fabuleux, un travail de titan. Il a passé ses vacances, il a failli laisser sa famille, enfin bon, il a passé un temps fou. On a fait masteriser ça par Philippe Tchékémian, qui a arrêté d'ailleurs depuis de faire du mastering, je confonds souvent les deux termes. Il a masterisé ça. Et ouais, il avait trouvé que la matière était intéressante, mais effectivement, on aurait dû le sortir pratiquement au sortir du 98. Nous, en 98, on se posait pas la question de savoir est-ce qu'on va faire ci, est-ce qu'on va faire là, est-ce qu'on va avoir un album, est-ce qu'on va être signé, est-ce qu'on va en sortir des exemplaires. On n'avait même pratiquement pas ça dans l'idée, on n'osait même pas. Et finalement, ça s'est fait. Voilà. Alors, les projets, il y a quelque chose qui est une marmite qui est sur le feu, là. Je veux tout savoir, ou presque. Georges Marc, le Robert Fripp lyonnais. Thierry fait l'homme qui n'est pas au courant. Quel talent. Mais de quoi tu parles? Nous allons nous produire en compagnie de Silver Lining, ouais. Le 18 novembre, vendredi 18 novembre, au château Saint-Anna, à Solèze. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent le château de répétition de notre ami Gilbert, chemin de Saint-Anna à Solèze. C'est une grosse bâtisse dans laquelle, depuis des années, on répète avec des conditions sympathiques de notre ami Gilbert, qui nous héberge depuis 20 ans maintenant et qui nous a proposé aimablement de pouvoir prendre une salle assez grande où on aura l'occasion justement de faire un show assez intéressant, je pense, avec Silver Lining. Que Thierry connaît peut-être, je ne sais pas s'il a entendu parler de ce groupe-là. Très vaguement. Et puis je crois qu'il y a un autre combo. Hein. Oui, il y a un autre groupe qui s'appelle One Minute Alone également. Hein. C'est un groupe qu'on connaît de par les relations que Fred entretient avec le batteur. Et puis Le bassiste était notre ancien claviériste quand même. Et le bassiste était notre ancien claviériste. Il s'est reconverti, le bougre. Il s'est reconverti. Voilà. Effectivement, il a joué du clavier en 96. Ouais. Avec nous, qui s'appelle Xavier Bourderon, que nous saluons au passage, et que bon, on a toujours entretenu de loin comme ça des relations, mais c'est vrai que à l'occasion de jouer ensemble, je crois que ça va donner une petite émulsion à tout le monde. Donc, ce qui serait bien, c'est que les gens viennent nous voir, donc à Solèze. C'est gratuit, je crois. C'est gratuit en plus. Hein, c'est un vendredi. C'est un vendredi soir. Dieu merci, c'est vendredi. Tout va bien alors. D'habitude, vendredi, c'est spaghetti, mais là, non. Ce sera Enéade, Silver Lining et One Minute Alone. Donc, ça serait sympa de. On aimerait bien vous accueillir. Et tout ça pour fêter le deuxième. Pour fêter le deuxième album. Hein. Voilà. Enéade, voilà. Teardrops in Morning Dew. Okay. Facile à se rappeler. Voilà. Qui veut dire les larmes versées dans la rosée du matin, si c'est pas poétique tout ça. Très beau, effectivement. Merci de l'avoir traduit. Tu as porté aussi des disques. T'as voulu te faire plaisir et là j'ai un truc imprononçable. Hur. Oui, c'est un album qui m'a été proposé par notre ami Tolo. François Tolo, j'ai oublié son prénom. Lyonnais encore. Notre ami François qui grouille dans ce milieu magmaïen. Ouais, je connais bien aussi. Qui est dans les bas-fonds de Cobaya. Ouais. Et qui m'a dit, tiens, Soleil sort une compilation d'un certain nombre de groupes, comme l'avait fait déjà d'ailleurs Juliac, parce que là c'est Juliac également qui est à l'affiche, avec, et c'est le petit clin d'œil, il remet le couvert après la compile Enéade, justement. Et donc c'est le petit clin d'œil. Et il y a un morceau qui me plaît particulièrement. Il y a deux, trois morceaux qui me plaisent moins, mais il y a quand même deux morceaux qui me plaisent bien. Il y a d'abord le morceau Malaria que tu vas peut-être nous passer. Qu'est-ce que tu as choisi ? Attends, moi je vois CD2, piste 2. Malaria. Malaria de Simon Stinsland. Oui, ça c'est un groupe. C'est des gens scandinaves, ça. Je les connais pas particulièrement, ouais, mais je trouve qu'ils ont fait une reprise avec du chant féminin relativement intéressante. Et puis il y a ce deuxième CD, il y a un morceau repris par Guapo qui est absolument fabuleux. Enfin, en tout cas, si les gens veulent acheter, si les gens aiment Magma, il faut absolument acheter cet album. Je vois que Jean-Louis acquiesce, mais bon, on n'est pas à la télé, donc tu peux causer dans le micro. Oui, Jean-Louis il pourrait nous en dire un mot, Magma. Ou de cette compilation. Non. Oh, je suis fan comme toi de Magma, je crois. Hein, ouais. Mais... Bon, moi, c'est... Magma, c'est un amour de jeunesse parce que c'est mon premier concert de ma vie, c'était Magma, donc c'est resté depuis et moi j'écoute toujours ça. Et puis si je devais partir sur une île déserte, je pense que ce serait un Magma que je prendrais avec moi. Parce qu'au moins, on découvre toujours quelque français. Chose de nouveau quand on écoute Magma à chaque écoute. Je suis assez d'accord, effectivement. Ok, et ben on va lancer. Lançons. De Provence. Thank you. oui, tu nous as apporté Shining. Alors, je voudrais que tu m'expliques. J'explique. Bon, c'est une découverte que Nuad m'a fait. C'est Nuad qui m'a fait découvrir ce disque par un petit message. Hein. Et bon, je l'ai acheté par curiosité. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est une reprise d'un morceau très connu que tout le monde adore. Et donc, je trouve que je l'ai amené ce soir parce qu'il détonne pas dans la soirée. Hein. C'est quelque chose d'assez péchu, d'assez noir. L'album d'ailleurs est aussi noir comme la pochette d'Enéade. C'est Shining, c'est un groupe norvégien. Alors il y a plusieurs groupes qui s'appellent Shining hein, dans le monde. Il y a un norvégien et un suédois. Et un suédois, c'est du black metal très glauque. Là, c'est plutôt un groupe qui, au départ, est du free jazz. Mais on reconnaît quand même des influences assez métalliques aussi derrière. Et donc la reprise qui m'a intéressé pour ce soir, c'est 21st Century Schizoidmen. Donc c'est une version qui est, je dirais, presque aussi noire et comment dire, malsaine que la version de Earthbound de King Crimson. Ouais, donc ça déménage. C'est très fort et tout l'album est dans ce style. Bon, et après on prend un anxiolytique quoi. Non. Tout de suite donc, Shining, 21st Century Schizoidmen. Eh ben, on remercie Jean-Louis pour ce petit réveil matin. Comme c'est bon. J'espère que vous avez les cages à miel qui ont été bien débouchées. Il n'y a plus de poster, hein, c'est tombé ici. Hein. Voilà, c'était notre petit quart d'heure de folie. Hein. C'était un peu ça aussi dans le studio. Ça a slamé dans le studio, là. Il y a eu du cheveu, je vous le dis. Alors, les deux compères d'Enéade vous proposent de gagner. Oui, le CD, leur nouvel CD, album, Teardrops in the Morning Dew. Voilà. Et bon, ben, je vais laisser Georges-Marc poser la question. Alors, la question, c'est, en 98, après quel groupe avons-nous joué au Transclub? Vous appelez immédiatement la radio, dont je ne connais évidemment pas le numéro par cœur et que Thierry est parti. Moi non plus, mais j'ai mon CD et mon post-it. Le 04 78 51 16 85. 04 78 51 16 85. Eh bien, si vous appelez, vous gagnez ce petit disque qui vous sera envoyé sous pli discret, parfumé. Parfumé, excellent. Alors, vous nous avez apporté également Blue. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ce Blue. Alors oui, Blue, bien évidemment, fan de Crimson devant l'éternel. Je suis allé fouiller dans ce qu'ont fait les membres du groupe Crimson, que sont Bruford et Levin, que vous connaissez tous évidemment. Que j'ai même interviewé, un bonhomme de 2 mètres et d'une gentillesse absolument incroyable. Tu parles de Monsieur Levin, je suppose, ouais, qui est quelqu'un d'absolument fabuleux. On l'a vu jouer en première partie de Porcupine Tree quand ils sont venus à Lyon. J'ai eu l'occasion de lui serrer la main. Voilà. Et je suis resté pétrifié devant cet homme qui est quand même le bassiste de Peter Gabriel, de Crimson et d'autres. Il a joué avec Bowie aussi. C'est un trésor. Moi, j'ai discuté avec lui parce qu'il avait joué au Prog Sud 3-4 mois avant, quoi. Ouais. Donc, non, mais c'est incroyable. C'est fabuleux. On n'a pas idée. Je sais pas, il a 200 albums à son compte, ce gars-là. Ouais, c'est fabuleux. Il joue tout le temps. Et donc, je sais plus en quelle année, est sorti cet album, mais dans les années 90, peut-être fin des années 90. 98. Hein. Voilà, 98 à peu près, effectivement. Ils ont sorti un album. Bruford et Levin ont décidé de faire un album, ça s'appelle Blue. Donc, Bruford Levin, Upper Experiment, je crois, c'est ça. Et il y a un album, un morceau qui s'appelle Fin de siècle, qui est un morceau assez enjoué au stick, évidemment. C'est stick, batterie. Et on reconnaît éminemment le style de notre ami Levin et éminemment le style de notre ami Bruford. C'est délectable, c'est très expérimental aussi. Donc il y a Chris Botti qui est à la trompette. Donc ça va changer de ce qu'on vient d'entendre, c'est plus éthéré, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Eh bien c'est parti. Alors tu m'as mis numéro 7, numéro 8, moi je compte numéro 7. Bah écoute, bon, je sais pas, ça commence par des petites notes au tapping de stick, donc pas ça, c'est que c'est l'autre chose. En gros, on mettra autre chose. Non, allez, mais ce morceau j'aimerais bien quand même. Tout de suite, Blue, c'est Bruford Levin Upper Extremities. Tout de suite sur le 100.7, et c'est Proc à part d'émission du rock progressif. Bien, on y est arrivé quand même. C'est pas évident au niveau de la technique, mais je pense que la pochette et la numérotation y étaient pour beaucoup de choses. Voilà ce Blue. Effectivement. Alors, oui, on a fini par entendre le morceau que je voulais faire passer et on a bien kiffé aussi. J'ai les poils qui se dressent sur les bras quand j'entends ça parce que c'est vraiment, ça appelle au sens, quoi. Moi, ça me touche vraiment profondément. Et chaque fois que j'écoute ça, je mets ça dans la voiture à fond les manettes. En plus, il y a un son qui est très clair, très précis. On reconnaît le son de Bruford. On a l'impression d'être au milieu de son set et ouais. De se prendre la baguette dans les oreilles. Super, super batteur. Bien au centre de la caisse claire, tu sais, très propre. Ouais. J'adore. Ouais. Voilà. On voit qu'ils ont travaillé longtemps ensemble. Hein. Oui, on sent que c'est pas des débutants, voilà. Ouais. Bon, ben les amis d'Enéade, il est temps de se séparer. On va croiser une larme émue. Non, pas trop. Là, il faut que j'éponge après. Hein, donc. Nous allons verser une larme dans la rosée du matin. Ah, c'était notre séquence publicité. On peut rappeler peut-être le concert éventuellement. Alors. Bah, tu peux rapper tout ce que tu veux, voilà, t'as une minute tout seul devant ton micro. Alors, voilà, il y a donc un concert qui sera donné par le groupe Enéade avec le groupe Silver Lining et le groupe One Minute Alone. Ça se passe au château de Solez, au château Sainte-Anna, 303 route, chemin de Sainte-Anna. Ah, Solez, c'est proche de Lyon. Ceux qui veulent, j'ai mis l'itinéraire sur notre site. Il suffit d'aller dans les brefs de notre site internet enéade.free.fr. Il y a carrément un Google Map, un itinéraire de Lyon. Enfin, on peut trouver très facilement. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est le vendredi 18 novembre. Et c'est le vendredi 18 novembre. À quelle heure? Eh bien, aux alentours de 19h-20h. Ouais, il y aura ouverture des portes à 19, on va dire. Et puis on enchaînera aux alentours de 19h30-20h, je pense. Bon, il y a Fred qui va pas tarder à s'endormir, on va le réveiller, il va nous dire quelques mots sur l'album donc qui vient de sortir d'Enéade. Oui, alors il est officiellement sorti le 17 octobre, il y a eu juste eu un petit problème d'impression avec la société qui l'a fabriqué. Donc je pense qu'il y a en fait un petit peu de retard ou des reprises de CD pour changer ces problèmes d'impression. Donc officiellement, je ne sais pas comment ça va se passer, si l'album est déjà disponible. L'album est complètement disponible. Mais on le trouve où alors? Voilà, on va le trouver alors, où? On le trouve évidemment tout dans les sites en ligne, sur galileo-records.com, bien évidemment. Mmh. On a des renvois sur notre site. Il est disponible chez Virgin, chez Fnac, en port en électronique, bien évidemment. On peut le retrouver. Il suffit d'aller sur le site internet. On tape Enéade dans un moteur de recherche, c'est bien simple. Ou Teardrops in Morning Dew, et ça sort immédiatement. On sait où. Ça, c'est trouver. Pour internet. Et si les gens veulent l'acheter en ligne, donc tu peux citer quelques sites de vente. Hein, Propulsion, je pense. Oui. Le Vent, Musea. Oui, Musea, Deezer. Amazon. Amazon aussi. Enfin, je pourrais pas tous te les citer, parce qu'il y en a une vingtaine. Disponibles. Ça a été mené d'une main de maître, notre ami Patrick Becker, qui Quadriphonique aussi Oui, Quadriphonique. Alors, il faut que je le renvoie. J'ai encore pas fait, mais notre ami JP de chez Nemo, bien sûr. Ça, on va le faire évidemment aussi. On peut le trouver. Et en boutique. Alors, tu rentres dans une boutique, tu peux le trouver ou pas? Alors, sur commande. Pour l'instant, c'est sur commande, oui, parce que il est sorti le 17 octobre, il y a 15 jours, hein, donc c'est encore, à mon avis, pas effectif à ce niveau-là. Et puis, Galileo mise beaucoup, évidemment, sur de la vente en ligne. Aujourd'hui, on sait bien que le support CD est un support sympathique, mais bon, aujourd'hui, la vente en ligne est là. Là, c'est vrai qu'il y a un inlay qui est intéressant, de 4 pages. On a fait des petites photos sympathiques. Hein, donc, vente en ligne, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter les MP3 qu'ils veulent, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Ils peuvent choisir. Un par un ou tous Oui, un par un, tous, la moitié, juste un, juste deux, juste deux. Enfin, juste on fait comme on veut maintenant. Voilà. Hein. Il faut qu'on se mette à la page, Thierry. D'accord. Voilà. Donc, par contre, effectivement, s'il y en a qui veulent le CD, ils peuvent m'envoyer un mail. Hein, il y a les contacts sur le site enéade.free.fr. Moi, je réponds aux mails, j'envoie tout ce qu'il faut à ceux qui veulent. Voilà. Donc, des chroniques, il y en a eu déjà? Bien sûr, Jean-Louis nous a fait une superbe chronique. Il tient pas sur une page tellement il y en a. C'est dithyrambique. C'était dans quel canard déjà? Oh, je sais plus, Acide Dragon. Ah oui, le partenaire de cette émission, dit-il. Exactement, Acide Dragon, qui nous soutient depuis déjà de nombreuses années. Hein. Mm. Donc ça ne change pas, apparemment, c'est toujours le cas, puisqu'on est encore là. Hein. Eh oui. Donc, Merci à toi Thierry et merci à toi Jean-Luc pour ce soutien. Un petit mot de conclusion. Donc, Georges, je vais faire une petite conclusion parce que moi j'aimerais en parler un peu de l'album parce qu'ils ont, ils sont très humbles donc ils n'ont pas voulu trop en parler. Moi j'ai fait les deux chroniques des deux albums en 2006 et puis l'année dernière parce que effectivement entre le moment où j'ai eu l'album qui était une, comment on peut appeler ça, un pressage promotionnel, ça fait un an et demi et puis il est sorti qu'il y a quelques jours. J'ai eu le temps de l'apprécier, donc je recommande cet album à tous les fans de Crimson, de progressif un peu péchu, mais il faut, dans l'album il y a aussi des passages très très sympas, guitare sèche. C'est un album très contrasté. Il y a le morceau éponyme qui est très sombre, qui est long, qui fait une vingtaine de minutes, qui est une atmosphère très noire, mais qui finit par un espoir, avec des passages très violents, des passages très calmes, des passages très violents, très, très planants. Il y a du, pour ceux qui connaissent un peu le métal, il y a même du Meshuggah, on dirait, de, certains morceaux, des passages, c'est carrément du Meshuggah. Et puis il y a des morceaux très planants avec des distos, des guitares, etc. Donc je recommande cet album à tous les fans de bon progressif parce qu'il est vraiment plus que recommandable. Et c'est bien dommage qu'on puisse pas, que ce groupe puisse pas avoir une plus grosse audience parce qu'ils savent jouer, ils savent procurer des émotions. Et tout ça avec une très bonne technique, mais qui ne transparaît pas. C'est pas de la, je veux dire, c'est pas de la technique pour la technique. C'est la technique pour les sentiments, pour les émotions. Donc précipitez-vous au concert, ils en auront sûrement en vente, je pense. Oui, bien sûr. Et surtout achetez-le parce qu'il vaut vraiment le coup d'oreille, pas d'œil, mais d'oreille. Voilà pour mon petit. Merci. Merci. Oui. Bel hommage, tout à fait mérité. Et comme oui, Verlaine et tout le reste n'est que littérature. Exactement. Donc, eh bien, merci d'être venu. Et donc, rendez-vous le 18, oui. Le 28 pour la prochaine émission de Prog à part. Je suis sûr que vous écouterez. Ouais. Hein, et puis d'ici là, eh bien, il y aura l'émission de ce soir enregistrée par la De La Cruz Family et qui sera donc en podcast courant de cette semaine. Voilà, et suivant la formule consacrée, caresse, bis à l'œil, tenez tati, à que la prochaine. Ciao.